8. Le procès. Lord Liverpool demanda la formation d'un comité secret de 15 membres pour prendre connaissance de l'acte d'accusation et tout d'abord se hâta de rassurer ses collègues sur l'objet de cette accusation. On se rappelait, non sans effroi, qu'une loi de Henri VIII condamnait à mort les reines convaincues d'adultère. « Messieurs, leur dit-il, je dois vous rappeler que le fait d'adultère, commis hors du royaume avec un étranger, ne constitue qu'une injure dans l'ordre civil. » La question de la peine de mort était écartée. Tandis qu'ils délibéraient, Caroline faisait son entrée à Londres. Plus de 100 000 personnes se pressaient à sa rencontre. On dételait sa voiture et on la conduisait à la maison de l'Alderman Wood. Le soir, cette maison s'illuminait et tout le quartier suivait son exemple. Des bandes parcouraient la ville, réclamant des lampions et brisant les vitres des Tories. En somme, Caroline passait de la domination d'un homme au joug d'un parti, et toujours avec le même aveuglement. Lord Brougham, chargé de ses intérêts, présenta le lendemain, à la Chambre des communes, un message dont nous transcrivons les passages les plus importants. La reine croit nécessaire d'informer la Chambre des communes qu'elle a pris le parti de revenir en Angleterre à cause des mesures insidieuses dirigées à l'étranger contre son honneur et son repos par des agents et des émissaires secrets, mesures que la conduite du gouvernement a paru encourager et sanctionner. Sa Majesté assure la Chambre qu'elle n'a eu d'autre but, en revenant dans ce pays, que de défendre son caractère et de maintenir les droits qui lui sont légitimement dévolus par la mort de ce monarque vénéré, dont les sentiments d'honneur et l'affection invariable lui servirent d'appui sûr et constant. Sa Majesté a été très surprise, en arrivant, d'apprendre qu'un message avait été envoyé au Parlement pour appeler l'attention des chambres sur certains documents écrits relatifs à sa conduite à l'étranger. Sa Majesté a été encore plus étonnée d'apprendre qu'on a proposé de soumettre ces documents à un comité secret. Il y a 14 ans que les premières accusations ont été dirigées contre Sa Majesté. Alors, et pendant ce long laps de temps écoulé depuis, elle s'est toujours montrée prête à aller au-devant de ses accusateurs. Aujourd'hui encore, elle désire un examen public. Elle demande à connaître les charges, à entendre les témoins, à jouir des droits qui ne sont pas refusés aux plus humbles citoyens du royaume. À la face du souverain, du parlement et de la nation, elle proteste contre la formation d'un tribunal secret pour examiner sa conduite, comme contre une violation des lois du pays et des principes de la Constitution britannique. Sa Majesté s'en repose avec confiance sur la Chambre des communes pour repousser les machinations dirigées contre elle. La reine ne peut s'empêcher d'ajouter qu'avant l'envoi du message au Parlement, on l'avait traité de manière à faire préjuger de sa cause. L'omission de son nom dans les prières publiques, le refus qu'on lui a fait des moyens de transport accordés à tous les membres de la famille royale, le silence gardé sur sa résidence, les dédains étudiés des ambassadeurs anglais à l'étranger et de toutes les autorités étrangères soumises à leur influence, tels sont les moyens employés pour créer contre elle un préjugé qui n'aurait pu être justifié que par une procédure et une condamnation. Lord Brougham et sa cliente avaient le droit de leur côté, et le scandale d'une pareille affaire ne pouvait être que préjudiciable au gouvernement. D'honorables hésitations se produisirent. La proposition d'un comité secret fut ajournée. Lord Canning tenta d'obtenir un compromis entre les deux époux, mais les exaltés des deux partis, ceux que nous appelons chez nous l'extrême droite et l'extrême gauche, s'efforçaient d'envenimer l'affaire. Les manifestations populaires en faveur de la reine, les ovations dont elle était l'objet chaque jour, irritaient Georges et le rendaient intraitable, et lorsqu'il apprit que le Lord Maire et les Aldermen avaient présenté à Caroline une adresse de félicitations, toute négociation fut définitivement rompue. On se souvient qu'un arrêté royal avait interdit d'unir le nom de la reine à celui du roi dans les prières publiques. Cet arrêté servit de sujet à la reprise des hostilités. Le 22 juin, la Chambre des communes approuva une motion tendant à inviter la reine à renoncer à l'insertion de son nom dans la liturgie. Une députation lui fut envoyée pour lui soumettre le vœu du Parlement. Elle répondit que, bien qu'elle reconnût la nécessité de se soumettre à l'autorité des chambres, la question de savoir si elle prendrait part à la mesure proposée ne pouvait être décidée que par ses sentiments et sa conscience et par eux seuls. Cette réponse exalta ses partisans. Londres retentit des cris de « Vive la reine !»« Pas de concession !» Puis la foule se rendit à Carlton House et brisa les vitres du palais. Le 26, la reine envoya une seconde protestation à la Chambre des Lords en demandant un jugement public, et la Chambre décida que le 28, un comité secret serait chargé d'examiner les pièces déposées sur son bureau. Les communes, néanmoins, refusèrent d'autoriser une semblable enquête et l'agitation en faveur de l'innocente reprit avec une nouvelle ardeur. Nous craindrions de fatiguer le lecteur par l'énumération de toutes ces manœuvres, mais nous citerons cette exhibition de la reine où l'enthousiasme se changea en un éclat de rire. Comme elle venait de visiter Guildhall, la foule, cela devenait une habitude, détela sa voiture et se mit à la traîner. Mais après un long parcours, la corde qui servait à la traîner se rompit, et les hommes qui s'y étaient attelés poursuivirent leur course, laissant derrière eux la voiture. C'est ainsi que devait faire le parti qui l'entraînait. D'autre part, le roi, la princesse Sophie, sa sœur, et tous ceux qui tenaient ouvertement pour lui, étaient chaque jour les objets de manifestations populaires hostiles, au point que George IV dut ajourner jusqu'à la fin du procès les cérémonies de son couronnement. Le 4 juillet, le comité nommé par la Chambre des Lords déposa son rapport ainsi conçu. D'après l'ordre de la Chambre, le comité secret a examiné les papiers qui lui ont été soumis et a trouvé, premièrement, qu'il contenait contre la reine une charge d'adultère avec un étranger et imputait à cette princesse la conduite la plus licencieuse. Deuxièmement, que ces pièces étaient appuyées par le témoignage de personnes résidant en différents lieux. Le comité se voit donc, à regret, dans la pénible nécessité de recommander à la Chambre de procéder à une enquête législative sur ces allégations qui imputent à la reine une conduite déshonorante pour elle, dégradante pour la dignité de la couronne et qui outrage les mœurs du pays. Après la communication de ce rapport, la Chambre fit donner lecture du bill suivant. Sa Majesté Caroline Amélie Élisabeth, alors princesse de Galles et maintenant épouse du roi de ce royaume, ayant en l'année 1814 étant à Milan en Italie, pris à son service en qualité de domestique un certain Bartolomeo Bergami, étranger d'une condition obscure, qui avait avant servi en la même qualité, et une intimité des plus indécentes et des plus dégoûtantes ayant commencé entre le dit Bergami Bartolomeo et son Altesse royale, après que ce dernier fut entré au service de la dite princesse de Galles, et son Altesse royale non seulement ayant élevé le dit Bergami à un poste éminent dans sa maison et à une place éminente et confidentielle près de sa personne, mais encore lui ayant conféré d'autres marques de faveur et de distinction, ayant obtenu pour lui des ordres de chevalerie et des titres d'honneur, et lui ayant conféré un prétendu ordre de chevalerie que son Altesse royale avait pris sur elle d'instituer sans autorité légitime, et sa dite Altesse royale, tandis que ledit Bergami était à son service, c'était, par un oubli de son rang élevé, de ses devoirs envers votre majesté, et sans égard pour son propre honneur et pour son caractère, conduite envers ledit Bartolomeo Bergami et sous d'autres rapports, tant en public qu'en particulier, en différents endroits et pays visités par elle, avec une familiarité offensante et une liberté indécente et offensante, d'où il est résulté un commerce licencieux avec ledit Bartolomeo Bergami, lequel a continué durant un long espace de temps, pendant la résidence de son Altesse royale en pays étranger, laquelle conduite de sa dite Altesse royale a causé un grand scandale et répandu le déshonneur sur la famille de votre majesté et sur le royaume. En conséquence, pour manifester notre profond ressentiment d'une conduite aussi scandaleuse que honteuse et vicieuse de la part de sa majesté, conduite par laquelle elle a violé ses devoirs envers votre majesté, et s'est rendue indigne du rang et de la situation élevée de reine épouse de ce royaume, et pour montrer nos justes égards pour la dignité de la couronne et l'honneur de cette nation, nous, les très respectueux et loyaux sujets de votre majesté, les lords spirituels et temporels et les communes, assemblés en parlement, supplions votre majesté qu'il puisse être décrété et qu'il soit décrété par la très excellente majesté du roi et de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels et des communes assemblées en parlement, et par l'autorité dédiée que sa majesté Caroline Amélie Élisabeth sera, après que cet acte aura été passé, et est par ledit acte privé du titre de reine et de toutes les prérogatives, droits, privilèges et exemptions à elle appartenant comme reine épouse de ce royaume, et que sa dite majesté sera, après que cet acte aura été passé, rendue à jamais inhabile et incapable d'user, exercer et jouir desdites prérogatives, droits, privilèges, exemptions ni documents d'eux, et de plus que le mariage entre sa majesté et ladite Caroline Amélie Élisabeth soit, et que ledit mariage est, par acte, à jamais dissous, annulé et rendu nul pour toutes sortes d'objets. Caroline reçut par un huissier du Parlement communication de cet acte de divorce et de dégradation. « Le roi et moi, répondit-elle, ne nous rencontrerons plus en ce monde, mais il en est un autre où nous nous reverrons et où justice me sera rendue. » 9. Arrivée des témoins. Les journaux entretenaient souvent le public des agents secrets et prétendus témoins soudoyés pour perdre l'innocente Caroline. Le Times les traitait d'effrontés calomniateurs et de prostituées. Les étrangers appelés à déposer dans le procès étaient donc attendus avec des sentiments qu'il est facile d'imaginer. Aussi, le 7 juillet, lorsque le bruit se répandit qu'ils allaient arriver, Douvres se remplit d'une foule considérable décidée à leur faire un mauvais parti. 12 Italiens débarquèrent et la foule s'assembla devant la douane, tandis qu'on examinait leurs bagages. À peine parurent-ils, on se précipita sur eux. On les accabla d'injures et de coups. La police dut intervenir pour les arracher à ses forcenés. La voiture de Douvres à Londres, assiégée à son tour, attendit en vain que l'effervescence se calmât et fut obligée de quitter la ville sans emmener les 12 voyageurs dont les places étaient retenues. Les magistrats appelèrent alors des constables, mais cette police respectée mit plus d'une heure à disperser la foule. On fit sortir les Italiens en secret, et ils se rendirent à Londres par Folkestone et Maidstone. Bien leur prit de n'avoir pas passé par Canterbury, où la diligence fut arrêtée par la population qui les attendait. Le capitaine du paquebot lui-même eut sa part dans les insultes de la foule, il s'en tira par une répartie toute anglaise. « Le diable emporte ces Italiens, » dit-il, « mais si je ne les eusse pas amenés, un autre l'aurait fait. Je pouvais aussi bien gagner cet argent qu'un autre. » À Londres, on afficha des placards portant ces mots en grand caractère « Les misérables sont arrivés ». Les journaux Whigs étaient remplis d'injures à l'adresse de ces témoins racolés par les agents de George. Ces individus n'osaient sortir et tremblaient pour leur vie. Une émeute était imminente. Il fallut réembarquer furtivement les Italiens et les transporter en Hollande, où ils restèrent à la disposition du Parlement. Cette surexcitation n'était point particulière à Londres. Dans toutes les provinces, on tenait des meetings en faveur de la reine. À Douvres, il fallut envoyer des troupes pour prévenir une insurrection. Malheureusement pour Caroline, ses passions populaires la grisaient. Elle leur attribuait une portée et une force qu'elle n'avait pas, et arrivait à croire qu'elle pouvait s'appuyer sur elle pour battre en brèche le pouvoir du roi et le pouvoir plus redoutable encore de la noblesse. En 1820, comme aujourd'hui d'ailleurs, la puissance de l'aristocratie anglaise n'est pas un fantôme, et la Chambre des Lords le fit bien voir. Caroline, dans sa réponse à une adresse des habitants de Sunderland, avait identifié sa cause avec celle des libertés publiques. « Une tyrannie générale, disait-elle, commence ordinairement par des oppressions individuelles. Si le sujet le plus élevé du royaume peut arbitrairement être privé de son rang, de son titre, peut être divorcé, détrôné et avili par un acte du pouvoir arbitraire, la liberté constitutionnelle du royaume sera ébranlée dans ses fondements. Les droits de la nation seront détruits et ce peuple, libre jusqu'alors, devra comme un vil esclave se soumettre au fouet d'une domination insolente. » Dans l'état des esprits, ce langage était de nature à troubler la paix publique. Les membres des communes eux-mêmes, qui jusque-là avaient ménagé la reine, en prirent ombrage. Néanmoins, quelques membres, Lord John Russell à leur tête, essayaient encore d'amener le roi à une conciliation, ou tout au moins à un ajournement indéfini du procès. Cette tentative échoua. Le jeudi 17 août, l'accusation fut portée à l'ordre du jour du Parlement. Le 19, le procureur général de la Couronne commença son réquisitoire. Les passions étaient montées à leur paroxysme. Chaque séance occasionnait des tumultes assez semblables à des émeutes. La foule huait au passage les partisans déclarés du roi. Elle n'épargna même pas le héros populaire, le vainqueur de Waterloo, Lord Wellington, le duc de la Victoire. Chose inouïe, Wellington fut hué et insulté par la foule et un détachement de gardes à cheval dut stationner à l'une des portes du parc de Saint-James pour protéger le duc lorsqu'il se rendait au Parlement. Les juges étaient si peu rassurés que l'on embrigada 1000 constables supplémentaires pour le service des abords de la Chambre. Jamais aucun événement n'avait à ce point passionné le peuple anglais. Mais revenons au procès. Nous ne pourrions, sans tomber dans des redites ennuyeuses, citer in extenso l'acte d'accusation. Nous nous bornerons à en donner quelques lignes. L'avocat général rapporta d'abord le départ de la princesse de Galles, l'entrée de Bergami à son service et fit remonter l'adultère au 9 novembre. Il raconta ce que nous avions dit du bal masqué donné à Naples, et son récit entra dans les moindres détails. Il accumula ensuite les preuves de l'intimité qui existait entre Caroline et Bergami. Ils se levaient à la même heure, leur chambre à coucher était contiguë, ils déjeunaient ensemble, elle donnait le bras à son courrier, des domestiques les entendaient s'embrasser. L'acte d'accusation rapporte encore « La reine dormait si rarement dans son lit que la personne chargée de le faire ne s'en occupait presque point. Quelquefois, il semblait que le lit de la reine avait été foulé dans l'intention de faire croire qu'elle s'y était couchée. Alors la domestique se contentait de rétablir la couverture, tandis que le lit de Bergami montrait que deux personnes y avaient été couchées. Au Saint-Gothard, à l'auberge du Tarez, la reine se retira dans une chambre à coucher avec Bergami et resta longtemps enfermée avec lui. Que pouvait faire sa majesté dans une chambre à coucher avec son courrier ? L'accusation suit Caroline à Venise, à Côme, en Sicile, à Catane. Une fois que les filles de chambre avaient veillé plus tard que de coutume, elles virent la porte de Bergami ouverte et la princesse sortir de chez lui dans un état qui leur prouvait qu'elle y avait passé la nuit. Elle était déshabillée et avait sous le bras l'oreiller sur lequel elle avait l'habitude de reposer sa tête. À Savone, il n'y avait pas de lit dans la chambre de Bergami. Mais il y en avait un grand dans celle de la princesse et le matin l'état de ce lit prouvait que deux personnes y avaient couché. Puis vient le voyage en Orient. À la répétition des faits déjà cités, l'accusation ajoute les détails suivants. À Jaffa, la reine fit dresser une tente sur le pont du navire. Son lit y fut placé et tout près, sans aucune espèce de séparation, était le lit de Bergami. Ils y couchaient toutes les nuits. La reine prenait souvent des bains et Bergami restait seul avec elle pendant qu'elle se baignait. Le réquisitoire se termine par l'histoire de la baronne. Il est tellement long que sa lecture exigea 3 séances. Les relations de Caroline avec Bergami étaient notoires, mais on remarquera néanmoins que les faits relatés par l'accusation ont été recueillis de la bouche de gens dignes de peu de foi, de domestiques congédiés, des servantes d'auberge, des agents secrets. Le défilé des témoins importés de Hollande confirme ce que nous venons de dire, et ce qu'en disait le Times qui les appelait de misérables animaux. Dans ces interminables dépositions, le ridicule le disputa parfois à l'odieux. Certains témoins paraissent réciter une leçon et obéir à un mot d'ordre. D'autres reçoivent des indemnités exorbitantes. Ainsi le capitaine de l'industrie, qui d'après sa propre déclaration avait loué son navire à la reine à 750 piastres par mois, recevait comme témoin 1000 piastres par mois. Dans la nouvelle spéculation dans laquelle il est engagé, disait le Times, il gagne de son propre aveu 1000 piastres par mois, net, tout frais payés, sans avoir ni à réparer ni à entretenir son bâtiment, sans avoir ni à payer ni à nourrir son équipage. Voilà un drôle enrichi pour la vie, et l'on peut en dire autant de son second. Jamais serment n'avait été payé de ce taux-là, ni en Italie, ni en Angleterre. Un autre journal fit l'addition des frais du procès, et trouva qu'il s'élevait au moins à 5 millions, sans compter 50 000 livres sterling pour les dépenses de la reine. Cette somme, ajouta-t-il, suffirait à doter 50 hôpitaux. On pourrait aider 20 000 individus de notre population à émigrer. Elle pourrait subvenir à l'existence de 50 000 individus pendant une année entière, et encore délivrer 5 000 détenus pour dette. Le peuple ne gagne rien aux querelles des grands. Quand ses maîtres se battent, c'est encore lui qui paye les frais de la guerre. Les spectateurs impartiaux de ce procès écœurant arrivait à confondre dans un égal mépris Caroline et Georges IV. On ne doutait plus de la culpabilité de celle-ci, mais on était révolté des moyens employés par le roi et des détails cyniques des interrogatoires. Car nous devons l'avouer, il est plus d'un interrogatoire que nous n'aurions pu transcrire sans manquer de respect à nos lecteurs. Ainsi, l'on posa à une servante d'auberge de telles questions que cette femme, qui était loin d'être prude ou même timide, faillit se trouver mal et demanda un verre d'eau avant de répondre. La reine, qui assistait au débat, se leva et sortit. Et cependant, pendant ce long procès, Caroline s'écarta du rôle que lui commandait sa dignité. Elle se montra trop volontiers en public et en rechercha avec trop d'empressement les applaudissements de la populace. Elle ne devait ni se cacher ni s'afficher, et il est étonnant que Lord Brougham ne l'ait pas mieux conseillé à ce sujet. En même temps, des émissaires de la reine parcouraient l'Italie pour y chercher les témoins à décharge. Après 15 jours d'interrogatoire, on ne pouvait encore fixer une date approximative au dénouement de ces scandaleux débats. Un des derniers témoins à charge fut une femme de chambre, nommée Louise Dumont, entrée au service de Caroline à Lausanne et renvoyée à Milan. Cette fille, qui avait été renvoyée pour inconduite et qui avait, dans une lettre lue par la Défense, demandé humblement pardon à sa maîtresse, qui implore sa clémence, sa pitié, cette misérable vient déposer contre elle et avec tout l'acharnement de la haine. D'ailleurs, comme nous l'avions déjà montré, les primes offertes aux témoins sont très encourageantes. Un nommé Cardini déclare qu'il a été amené par un courrier qui payait tous les frais de route et qu'il recevait en outre 10 francs par jour pour ses besoins personnels. Un autre dépeint les bals donnés à la baronne. La princesse, dit-il, y ayant admis des personnes de basse condition, il y eut quelques libertés entre les femmes de cette dernière classe et les gens de la suite de son Altesse qui emmenaient les femmes hors du bal. Que disait de cela la princesse? Rien. Ne vous a-t-elle rien dit au sujet de ces femmes? Comme elle voulait faire un présent à quelques-unes, elle me dit « Comment habillerons-nous ces vierges ?» Puis elle me demanda si je croyais qu'elles le fussent. Je répondis que je n'avais rien à dire contre elles. La princesse n'a-t-elle point fait d'autres remarques? Oui. Un jour, une de ces femmes étant venue à la maison, la princesse me la montra du doigt et me dit en riant « Oh, comme la population de la baronne va s'accroître !» Enfin, s'il est des témoins sans vergogne, il en est qui supplient leur seigneurie de ne pas les obliger à donner leur adresse, de crainte d'être maltraités par le peuple, et d'autres qui n'osent revenir de Hollande après la réception qui leur a été faite à Douvres. Cependant, on sentait la nécessité d'en finir. On renonça à l'audition de ces derniers témoins, et le procureur général, après avoir repris toutes les charges de l'acte d'accusation, céda la parole au défenseur Henri Brougham. Celui-ci demanda un délai, soi-disant pour préparer sa défense, mais en réalité pour laisser grandir l'agitation du dehors. Son affaire était avant tout politique, et il s'agissait de renverser le cabinet bien plus que de faire absoudre la reine. Le 4 octobre, Brougham déclara enfin qu'il était prêt à commencer sa plaidoirie. 10. La défense. L'illustre avocat était à l'aurore de sa célébrité. Il plaida avec autant d'esprit que d'éloquence. Il commença par déclarer qu'il se plaçait sur le terrain d'une innocence complète, sur lequel il ne rencontrait aucune erreur à excuser. Puis il raconte ce que nous avons essayé de retracer plus haut, l'existence de cette malheureuse princesse qui, à son arrivée en Angleterre, au lieu de trouver un appui dans son mari, ne trouve qu'un persécuteur. Après l'avoir abandonnée, sans autre raison que son caprice, son époux tente de la déshonorer. Sa vie est celle d'un paria. On l'abreuve de tous les chagrins, et pour échapper à une exclusion aussi injuste qu'outrageante dans les cérémonies du mariage de sa fille, elle est réduite à s'exiler. La haine de son époux ne se lasse pas. En exil, c'est par les journaux qu'elle apprend le mariage de sa fille et peu après sa mort. D'ailleurs, l'injuste réprobation qui lui a été infligée en Angleterre la suit sur le continent. Les représentants du gouvernement anglais la désignent au dédain de l'étranger. Le vide se fait autour d'elle. Ce n'est pas assez. La haine de ses ennemis soudoie des assassins. Et c'est un serviteur, un étranger d'origine, qui par son dévouement la dérobe aux tentatives d'assassinat. Dès lors, obéissant à des sentiments que dicte la reconnaissance, elle récompense par des cadeaux et des témoignages de bonté ce serviteur dévoué, le premier qu'elle eut rencontré dans sa vie. Ses ennemis l'espionnent, et toutes les faveurs dont elle comblera plus tard Bergami seront notées par eux comme autant de preuves d'une faiblesse coupable. Cet homme de confiance occupe une chambre voisine de la sienne. Cette mesure de prudence sert de base aux calomnies. Il est admis chez la princesse à toute heure. Quoi de plus rationnel encore? Il n'est point jusqu'à certaines circonstances, qui s'expliquent par les mœurs, les habitudes du pays visité par la princesse, que l'accusation n'est incriminée. Ainsi, quelques Italiens déposent qu'ils ont vu la princesse et Bergami s'embrasser. Mais s'embrasser, n'est-ce pas une manière de se saluer en Italie? Certes, si la reine et Bergami avaient cru commettre un acte blâmable, ils n'auraient pas attendu pour se saluer que les domestiques fussent entrés. Plus les actions imputées ont un caractère criminel, plus aussi les témoins ont soin de placer la reine dans un endroit bien public. 11 personnes au moins prétendent avoir vu la reine assise sur les genoux de Bergami. Mais pourquoi donc n'aurait-il pas cherché quelque endroit mystérieux, quelque caprée nouvelle? Comment se compromet-il ainsi en plein jour, en public, devant des valets, des courriers, des matelots? Connaît-on dans l'histoire des faiblesses humaines un pareil trait de folie? Notre bon sens se révolte contre ces dépositions, et nous sommes obligés de considérer et d'examiner leurs auteurs. Nous nous demandons s'ils sont réellement dignes de créance. La plupart n'empruntent l'autorité de leurs paroles qu'au serment qu'ils ont prêté devant vous. Autrement, que sont-ils et comment sont-ils venus ici? Les uns sont des mercenaires au gage de qui veut les payer, en qui aucun de nous, en dehors de cette enceinte, n'aurait la moindre confiance, des muletiers, des servantes d'auberge, dont Barbara Kranz reste le type le plus achevé. D'autres, des gens qui nous font part, ingénument, des profits que leur procurent leur voyage à Londres et leur qualité de témoin. D'autres qui ignorent tout ce qui concerne l'existence de la reine dans leur pays, excepté ce qui peut lui nuire, et de deux faits corrélatifs ne prétendent connaître que celui qui sert l'accusation. Enfin, il en est d'autres encore, moins dignes d'intérêt. Ce sont ceux qui, entrés au service de la reine et comblés de ses bienfaits, sont aujourd'hui des témoins à charge. Vous vous rappelez Théodore, enrichi de ses dons. Ce n'est point par excès de fidélité et de dévouement que cet humble serviteur, aujourd'hui paisible rentier, aura compromis la reine. Vous vous rappelez Mademoiselle Louise Dumont et Sachi, tous deux se ressemblent sur plus d'un point. Tous deux ont suivi la reine, ils ont été comblés de bienfaits. Tous deux ont été congédiés à regret et ont cherché à rentrer au service de la reine. Leur liaison a duré encore après leur sortie de chez la reine. Ils ont passé quelque temps ensemble dans les montagnes de la Suisse. Ils ont vécu ensemble pendant un an à Londres. Je ne connais pas tout ce qu'ils ont fait ensemble, mais je sais qu'ils ont étudié avec succès les grands écrivains classiques de notre littérature et qu'ils ont acquis une connaissance étendue de notre langue. Ils ont eu la modestie de ne pas s'en vanter, mais en même temps, l'adresse d'en profiter en se faisant répéter, par un interprète, des questions qu'ils comprenaient très bien. Je ne prétends pas faire un portrait de Mademoiselle Dumont. Elle s'est si bien fait connaître elle-même. D'abord, elle est ennemie du mariage. En théorie, elle hait le sexe masculin, quoique dans la pratique elle admette probablement de nombreuses exceptions. Nous voyons souvent que ces dames qui professent de l'aversion pour tous les hommes en général ont des bontés pour chaque homme en particulier. Au surplus, Mademoiselle est le modèle des femmes de chambre. Jamais Molière, ni Lesage, ni Congreve, ni Kléber n'ont présenté un idéal plus complet. Quelle habileté, quel art dans ses dépositions! Quel talent pour en imposer, s'il était possible d'obscurcir entièrement la vérité. Mais elle-même nous déclare ensuite qu'elle n'est point sincère. Elle a pensé une chose, et elle a écrit le contraire. Ce qu'elle écrit a un double sens, et cela passe, aux yeux de ses admirateurs, pour une preuve de candeur. Oh, innocente bergère de Suisse! Mais comment donc une femme aussi vertueuse a-t-elle pu chercher à placer ses sœurs dans la maison de cette reine, qui, si on l'en croyait, ressemblait plus à un mauvais lieu qu'à une demeure royale. Et nous, que devons-nous croire de la sincérité de semblables témoins? Cependant, enlevez à l'accusation les dépositions des Théodore, des Sachi, des Dumont, que reste-t-il? Quelle charge grave reste debout? Enfin, aux témoins que vous avez interrogés succéderont les témoins à décharge d'une honorabilité incontestable, parmi lesquels nous pouvons citer Lord Guilford, Lady Lindsay, Lord Glenburvey, Lord Landoff, le docteur Holland, les lieutenants Flynn et Hownham. Et puisque votre conviction ne peut s'établir que sur des témoignages, il est certain que vos seigneuries seront suffisamment éclairées pour choisir ceux qui sont le plus dignes de foi. Telle fut, autant que nous pouvons en donner l'idée par un résumé succinct, la plaidoirie de Henry Brougham. Nous passerons sous silence les dépositions des témoins à décharge qui furent entendues dans les séances suivantes. On doit avouer que ces témoins présentaient plus de garanties que la plupart des témoins à charge. Quelques Italiens déclarèrent qu'on avait essayé de les suborner. Après le résumé de ces dépositions et la réplique du procureur général, le 2 novembre, le Lord Chancelier engagea la Chambre à demander une seconde lecture du Bill en modifiant le préambule. Le 6, la seconde lecture du Bill fut mise aux voix et 123 membres votèrent pour, 95 votèrent contre. Le ministère n'obtint que 28 voix. À la troisième lecture, le ministère essaya d'écarter la clause du divorce, mais cette clause fut maintenue par 129 voix contre 62. Enfin, la troisième lecture fut votée par 103 voix contre 99. Une si faible majorité était un faible échec pour le gouvernement. Lord Liverpool dut renoncer à envoyer le bill à la Chambre des communes et proposa de remettre la lecture du bill à 6 mois. Cette proposition fut acceptée à l'unanimité. Cet ajournement à 6 mois était, à la vérité, un ajournement indéfini, et l'on put considérer comme terminé ces débats scandaleux. Ils avaient duré 53 jours. Ils furent suivis des manifestations les plus joyeuses en faveur de la reine, vitres brisées, feux d'artifice, illuminations. Le Lord Mayor fit illuminer l'hôtel de ville. La populace entreprit la démolition de l'hôtel de Lord Castlereagh, mais en fut empêchée à temps. On brûla dans les rues des sacs verts et des effigies de Louise Dumont, de Théodore et autres témoins. Dans certains quartiers, il y eut de véritables émeutes réprimées par des charges de cavalerie. Plusieurs maisons furent saccagées. Toutes les maisons se pavoisaient et se décoraient d'emblèmes en l'honneur de la reine, entre autres, une rose entourée de serpents et surmontée des initiales CR. Dans un des nombreux meetings qui furent tenus, on proposa une adresse au roi pour le féliciter de l'acquittement de son auguste épouse. Le lendemain, la reine se rendit à la chambre en carrosse de cérémonie. Elle demanda un palais et un établissement conforme à son rang. Le 18 novembre, Lord Liverpool lui répondit que le roi s'opposait à ce qu'un château lui fût donné pour résidence. Le roi demeurait intraitable, et malgré son échec, le ministère restait debout. D'autre part, les troubles qui avaient suivi le procès avaient nui à Caroline dans l'esprit de la population paisible. Sur le conseil de ses amis, elle renonça aux manifestations populaires et se retira à Brandebourg House. L'heure de la retraite et du silence semblait avoir sonné pour elle. Mais à la nouvelle des préparatifs pour le couronnement de George IV, elle rentra dans la lice avec une animosité nouvelle, et elle prétendit être sacrée à Westminster en même temps que le roi. Mais à ses requêtes, le Parlement répondit qu'aucune loi n'obligeait le roi à faire sacrer son épouse en même temps que lui. La cérémonie était fixée au 19 juillet. Caroline résolut de s'y rendre. Ce fut aux abords de l'abbaye un tumulte et un scandale énormes. La reine, dans un carrosse à 6 chevaux, arriva à Westminster au milieu d'une cohue indescriptible, mais les officiers et les gardiens lui refusèrent l'entrée. Elle dut se retirer. Cette déception la fit tomber malade. Quelques jours plus tard, elle fut prise d'une inflammation d'intestin et elle succomba le 7 août. On dit qu'elle avait été empoisonnée, mais ses soupçons sont restés sans preuve. Ses restes furent transportés à Brunswick. Ainsi finit cette reine, chez qui les passions s'éveillèrent trop tard, et qui peut-être eût été une très honnête et très paisible mère de famille s'il avait été marié à quelque brave gentilhomme de son choix. Dans ses relations avec Bergamy, il y avait à vrai dire plus de faiblesse et de sensualité que d'amour. Si nous avons rangé Caroline de Brunswick parmi les reines galantes, c'est que la galanterie, qui doit son origine au tempérament, n'est qu'un caprice, tandis que l'amour est un sentiment qu'il faut mettre au rang des vertus. La liaison de Caroline avec Bartolomeo Bergamy ne fut qu'un libertinage. Quant à ce dernier, il avait amassé de quoi vivre de ses rentes. Il eut le bon sens de finir ses jours dans la retraite et de se faire oublier.